C'est une voie pour moi de partager la parole de Dieu. Alors j'ai l'habitude de dire courte lecture, message long, on verra. Quelquefois je me trouve un petit peu embarrassé. Embarrassé parce qu'il y a des moments de prière, des moments de louange qui sont bien supérieurs quelquefois à la prédication. Alors depuis le début, nous avons placé ce culte sous le thème de la joie. Alors pour ma part, j'ai l'impression d'avoir pris un petit abonnement sur ce thème parce que j'ai comme une impression de déjà vu ou plutôt de déjà prêché. Et pour vous, je m'en excuse de déjà entendu. Parce qu'il y a, ouais, il y a 15 jours de ça, j'avais apporté une prédication sur la joie, sur cette joie que nous avons d'avoir notre livre, notre nom écrit dans les cieux. Alors quand j'ai su que le thème de ce week-end pour les femmes baptistes, c'était encore la joie, je me suis dit qu'il y avait peut-être à voir dans cette insistance un petit signe du ciel, comme quoi il fallait peut-être approfondir le sujet. Alors j'ai cru comprendre que vendredi, vous avez eu un régime survitaminé. Hein. D'après ce que j'ai compris, vous avez vu, alors je n'ai pas entendu la prédication, elle a été enregistrée, je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a eu une? Oui, je pense que oui. C'était le sujet, la joie de l'Éternel est votre force. Alors il y a une énergie formidable hein, dans ce texte-là. Et en préparant cette prédication, je me suis rendu compte, avant je comptais avec ma petite concordance papier, maintenant avec les concordances électroniques, on peut faire des miracles et on peut passer pour un intellectuel alors qu'on n'est rien du tout. Et je voudrais juste dire qu'il y a plus de 300 références dans la Bible concernant la joie. Alors rassurez-vous, je ne vais pas les prendre les unes après les autres parce que d'abord ça serait épuisant et pour vous et pour moi. Mais aujourd'hui, je voudrais partager avec vous plus exactement ce que j'appelle, alors j'avais préparé un slide mais voilà, il n'est pas bon, ce que j'appellerais plutôt une pépite, la pépite de la joie que l'on trouve dans l'Épître aux Philippiens chapitre 4. Verset 4. Nous ne lirons qu'un verset, ce verset, chapitre 4, verset 4, et vous remarquerez 4-4, ça fait penser un peu à un tout-terrain. C'est un passage que l'on cite souvent, un passage, on pourrait dire, passe-partout, mais presque un bulldozer, on le cite comme ça, un petit peu n'importe comment, alors qu'il y a tout un contexte dans lequel Paul dit ce verset-là, en tout cas écrit ce verset-là. « Réjouissez-vous ou soyez dans la joie dans le Seigneur en tout temps. » Je le répète, c'est pas bon ? Merci. Je le répète, oula oui, c'est plus que bon, pardon. On va pas s'habituer à moduler la voix. Réjouissez-vous dans le Seigneur ou soyez dans la joie dans le Seigneur en tout temps. Je le répète, soyez dans la joie. Et là, en principe, l'Assemblée dit, voilà. Alors, ce verset m'a posé plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que réjouir, c'est un ordre ? Est-ce que se réjouir, c'est un ordre ? Est-ce que la joie, c'est sur commande ? On a vu, Valérie, par ton témoignage, que c'est pas sur commande. Donc déjà, on a un élément de réponse. Et ce verset pose la question, en tout cas m'a posé la question, de savoir quelle est la source de cette joie, à la fois pour Paul, évidemment, parce qu'il écrit cette lettre, mais aussi surtout pour nous. Alors avant cela, j'aimerais faire deux remarques. La première, c'est qu'il n'existe pas de passage biblique qui traite spécifiquement de la joie à 100%. Il y a bien ici et là des appels à la joie, des paroles de joie, des psaumes de joie, des invitations à faire de chaque fête de l'Éternel des fêtes de joie, des moments de joie, mais il n'existe pas de texte de référence. J'observe bien au contraire, et c'est là ma seconde remarque, que la joie résonne le plus souvent dans des circonstances les plus variées et les plus inattendues. Elle s'invite aux oreilles d'un peuple qui revient d'exil alors que tout est en ruine. La joie de l'Éternel sera votre force. Ne l'oublions pas le contexte. Un peuple qui arrive dans un pays en ruine. Et pourtant, la joie s'invite là. Elle s'invite dans nos temps de deuil avec cette promesse de les transformer en allégresse. Elle s'invite aussi, nous dit l'Ecclésiaste, dans la simplicité d'un repas, d'un verre de vin, dans la compagnie de ceux que l'on aime, mais aussi dans le travail bien fait, dans une parole dite à propos. Et même si ces joies sont éphémères, nous dit l'Ecclésiaste, elles ne sont pas pour autant sans aucune valeur. La joie est là, elle est bien présente dans l'Écriture, mais comme une graine dispersée, prête à germer. Comme un rappel que Dieu, l'auteur de toute joie, est là, proche de ceux qu'il invoque. La joie est là, comme un don que Dieu fait à l'humanité, comme un point de contact, un point de rencontre et de communion entre le divin et l'humain. Alors c'est ce que dit C.S. Lewis dans son autobiographie, qui s'appelle « Surpris par la joie », il écrit la chose suivante. « La joie, dit-il, les moments de joie sont les points d'intersection entre le temps et l'éternité. » Là, il fait allusion dans son autobiographie à tous ces moments de joie qu'il a eus dans sa vie et qui étaient autant de moments préparatoires du temps où il a rencontré cette véritable joie qui est en Jésus-Christ. Et C.S. Lewis, il continue, et il écrit la chose suivante, « La joie est un élan qui nous pousse à rechercher une réalité plus grande que nous-mêmes. La joie est un avant-goût de l'éternité, un éclat d'un monde plus grand qui nous attend. » Alors, puisque le sujet est lancé, eh bien, allons-y. On a souvent intitulé cette épître de Paul aux Philippiens comme l'épître de la joie. Alors, c'est en partie vrai parce que le terme ou les mots qui lui sont associés reviennent assez souvent. Mais pour autant, je ne pense pas que Paul, en écrivant aux Philippiens, voulait leur faire un exposé détaillé de la joie. Je crois bien au contraire qu'au-delà même de la raison première qui l'a poussé à écrire ce livre, cette lettre, je crois surtout que dans cette lettre, Paul laisse parler son cœur. Il partage son expérience. Ce que Paul nous livre ici sous forme d'exhortation, et réjouissez-vous toujours, c'est ça son exhortation, son invitation. Ce que Paul nous livre ici, c'est la source même de son être. En l'occurrence, la source de sa joie. C'est, ne l'oublions pas, depuis sa prison que Paul écrit aux Philippiens. Son corps est enfermé, mais son esprit est libre. Son cœur est plein d'autres choses que lui-même, que de ses pensées ou que du ressassement permanent des difficultés réelles qui l'assaillent. Quand je lis Paul dans les Philippiens, j'ai l'impression de voir un Paul qui déborde. Il y a chez Paul, on le perçoit en filigrane dans cette lettre, une abondance intérieure, une richesse intérieure, un feu, un désir que le Christ est venu allumer dans son cœur. Et c'est depuis son intériorité que Paul écrit. C'est parce que c'est à partir d'une transformation profonde que Paul parle. La source de son être, de sa joie, bien sûr, mais de beaucoup plus que ça encore, parce qu'il ne faut pas limiter l'œuvre du Christ. Il la tient de sa rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas. Depuis le jour où il a été ébloui par le Christ, depuis ce moment assez paradoxal où ses yeux, momentanément aveugles, ont vu le Christ, où ses yeux se sont ouverts d'abord sur sa propre cécité, puis sur la personne de Christ, puis, vous l'avez remarqué, vous l'avez lu, sur le visage d'un frère Ananias. C'est le premier visage que Paul a vu en ouvrant les yeux. Et en ouvrant les yeux sur le Christ, Paul a découvert une fraternité. Il a découvert une nouvelle humanité. C'est comme ça que, je pense, nous sommes invités à nous regarder, à nous voir et à nous accueillir. Parce qu'en regardant d'abord le Christ, je suis tellement ébloui, vous savez, à cause de ce, phénomène de ce qu'on appelle la persistance rétinienne. Vous savez ce que c'est quand vous regardez une source lumineuse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre regard, vos yeux sont changés à tel point qu'il vous faut un petit temps d'adaptation pour regarder autour de vous. Et il y a comme un éblouissement. Et cet éblouissement, en fait, ça s'appelle donc la persistance rétinienne. Et lorsque je regarde un frère ou une sœur, alors que j'ai vu le Christ et que le Christ m'a ébloui, eh bien, j'ai du mal à voir ses défauts. Parce que lorsque j'ai vu le Christ, lorsque j'étais ébloui, sa lumière est tellement persistante dans ma vue, dans ma vision des choses, eh bien, que je le vois sans défaut. Je le vois en tout cas lisse, et bien mieux, j'en suis bien, bien obligé de reconnaître, que bien mieux que pourrait le faire une crème anti-ride. Alors, sur le chemin de Damas, Paul a fait une rencontre. Cette rencontre va transformer non seulement son regard, mais la source même de son être. Ce jour-là, Paul a fait l'expérience de la promesse que le Seigneur avait faite à cette femme samaritaine, c'est-à-dire qu'il a bu l'eau de la vie éternelle en Jésus-Christ, une eau qui non seulement satisfait celui qui la boit, mais qui le transforme en une source. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit Jésus, n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » En rencontrant le Christ, Paul, il a bu de cette eau vivante. Il a bu la parole du Christ. Et vous savez, il a même composé un cantique. Vous savez où c'est? Non. Philippiens 2. Philippiens 2, c'est un cantique. On a du mal à s'imaginer, on pense qu'on a l'habitude de voir Paul le théologien, Paul le philosophe, Paul celui qui défend la foi, Paul celui qui va vers les perdus, c'est vrai, mais Paul est une âme sensible. Paul est un être qui, lorsqu'il a été en prison, il était emprisonné et qu'il écrit aux Philippiens, il est emprisonné à Rome ou à Césarée, peu importe. Et là, dans sa cellule, il écrit l'épître aux Philippiens. Et ce qu'on a du mal à réaliser, c'est que dans cet épître aux Philippiens, il a tellement été ébloui par le Christ qu'il écrit un cantique. C'est le chapitre 2. Et je pense que c'est là la preuve que cet homme a rencontré le Christ. Parce qu'il chante, Paul il chante. Et souvenez-vous, dans Acte 16, lorsqu'il était avec son compagnon Silas à Philippe, ils étaient où ? En prison. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en prison? Ils ont chanté des cantiques. Alors, est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'en était un autre? Peu importe. En tout cas, la grâce qui était en eux, la grâce leur a inspiré de chanter des louanges et de chanter des cantiques. Et au milieu de la nuit, ils ont été délivrés parce que le Christ était rentré dans leur cellule. Alors, rien à voir avec l'éveil du Bouddha, hein, parce que vous savez que Bouddha, c'est l'éternel joyeux. Il est tellement joyeux qu'on le représente toujours avec un sourire figé, alors soit dans le marbre, soit dans la pierre, peu importe. Mais ce jour-là, le jour de sa rencontre avec le Christ, Christ s'est éveillé à la vie nouvelle. Il s'est éveillé à une nouvelle manière de vivre, à une autre perception de à la vie éternelle, comme le dit la Bible. Ou comme le dit ce que j'aime comme le dit le Dominique Collin, qui est un philosophe et un chrétien, il dit il est né à la vie vivante, c'est-à-dire à la vie qui a conscience de sa vie, en opposition avec la vie morte, la vie morte qui est l'existence de la plupart des humains lorsqu'ils sont coupés de la source de la vie, une vie sans vie. C'est paradoxal. Et c'est cette eau, cette parole de vie, qui est devenue en lui la source de sa vie, sa joie, sa paix, son espérance et de sa force en Christ. Mais pas seulement une source pour lui-même, on pourrait dire mes besoins sont satisfaits, mais une source de bénédiction et d'inspiration pour les autres. Et Paul, il en était conscient de ça. Il était conscient qu'il avait une place, un rôle à jouer parmi ses frères et sœurs. Il le dit, soyez tous mes imitateurs. Il avait conscience qu'il était un exemple, qu'il était une source d'inspiration et de bénédiction pour les autres. Alors, C'est une question cruciale à laquelle nous sommes tous invités à répondre ce matin. Est-ce que nous avons rencontré le Christ? Est-ce que nous avons fait cette rencontre primordiale, essentielle, première de cette rencontre avec le Christ? Oh, certainement pas, vous me direz, pas à la manière de Paul, hein, bien entendu. Pour la plupart d'entre nous, cette rencontre avec le Christ, hein, on est plutôt dans la version, j'allais dire pèlerin d'Emmaüs, disciple d'Emmaüs. Pèlerin, c'est une connotation un peu étrange, mais on est des pèlerins, quoi qu'il en soit. Mais disciple d'Emmaüs, hein, les disciples d'Emmaüs, vous vous souvenez l'histoire, ils cheminent, et dans le chemin, le Christ vient à côté d'eux, ils ne le reconnaissent pas. Ils ne savent même pas que c'est le Christ, et là, sans qu'ils s'en aperçoivent, Dieu, le Seigneur, allume dans leur cœur un petit feu. Un petit feu qui va brûler. Un petit feu qui va les consumer de l'intérieur. Un feu pour lui, un feu pour les autres. Alors, nous, on n'aura pas un chemin d'Amas. Pour nous, c'est plutôt un chemin. C'est moins prestigieux, je vous l'accorde, mais c'est un cheminement. C'est un cheminement à travers lequel, le Christ vient, il vient à notre rencontre, il est déjà venu, il nous a déjà visités, seulement on ne l'a pas vu, et tout cela pour nous dire que, en fait, c'est par cette petite chose que le Seigneur se montre à nous. Mais la réalité est bien là, que ce soit sous la forme de Paul, ou non, ou peu importe, hein, cette rencontre-là, elle est décisive parce qu'elle est fondatrice, parce qu'elle nous amène à la source, à la maison du Père, devant la face de Dieu qui est source de toute vie et de toute joie. Parce que vous le savez, nous le savons tous, il y a encore et toujours d'abondantes joies devant sa face. C'est ce que pressentait le psalmiste. Il y a d'abondantes joies devant la face du Père, il y a d'abondantes joies à se connecter à la source de toute vie, à Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, il y a aussi dans cet épître, de Paul aux Philippiens. Il y a des joies, d'abondantes joies, qui sont cachées dans cette épître. Alors, la plus grosse, hein, c'est la pépite, hein, c'est celle qu'on a vue. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Mais il y en a d'autres qu'il a dispersées comme ça dans ce texte pour qu'on les cherche, pour qu'on ait ce feu de les chercher et de les comprendre et de les mettre en pratique. Alors, il y a tout d'abord ce... Alors, c'est cette joie, je pense que c'est effectivement un diamant brut. C'est un diamant brut parce que c'est une joie qui nous rassure. Elle dit la chose suivante, « Je suis certain de ceci, dit Paul. Je suis certain de ceci, dit Paul. Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement, jusqu'au jour de la venue de Jésus-Christ. » Vous pouvez dire « Amen ». Parce que c'est une vérité fondamentale. C'est une vérité fondamentale que Paul nous livre ici en termes de diamant brut. Et en fait, lorsqu'on s'en rend compte que Jésus-Christ accomplira tout ce qu'il a dit, on ne peut dire qu'amen. Et on ne peut que se réjouir. Alors, je pense qu'il y a là un sujet de joie. Un sujet de joie de savoir qu'en dépit de mes lenteurs, en dépit de mes reniements, des pauses forcées que j'impose à cette transformation intérieure et à l'œuvre de la vie de Dieu en moi, eh bien, même si tout cela est vrai, Paul s'est forgé une espérance. Il s'est forgé une espérance ancrée dans le Christ, ancrée dans cette rencontre avec Christ, ancrée dans cette source de vie qui est devenue la sienne. Ce que Dieu a commencé en chacun de nous, il le terminera. Il l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Je pense que c'est un énorme sujet de joie. C'est un immense sujet de joie. Parce que, quelle que soit notre lenteur, nos lenteurs ou nos réticences, Dieu continuera à faire son œuvre. Deuxième pépite. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'être dans la joie aussi parce que Dieu transformera toute adversité et tout le mal que l'on veut nous faire en bien. Il le dit dans le chapitre 1, mais tout cela tournera à mon salut. Tout cela tournera à mon salut. C'est en filigrane, évidemment. Mais Paul était un homme qui donc était en prison. Certains avaient profité de son absence. Il avait quitté le terrain donc pour lui faire des misères et pour prêcher l'évangile d'une façon qui n'est pas correcte. Eh bien, Paul pouvait se réjouir même de ça. Et il a dit, ne vous inquiétez pas. Il dit aux Philippiens, je vous rassure, même le mal, ne pourra rien faire contre moi. Je sais que toutes ces choses-là tourneront à mon salut. Et dans cette idée-là, on voit évidemment toute l'histoire de Joseph. Vous connaissez cette belle histoire, elle est magnifique, hein, toute l'histoire de Joseph. Combien il a été vendu, combien il n'était pas aimé, combien il a été dans le pays d'Égypte. Et lorsqu'il accueille ses frères et qu'il se fait connaître à eux, lorsqu'il se révèle à eux comme le sauveur, il va venir les sauver. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Vous avez pensé me faire du mal, eh bien Dieu a changé le mal en bien. C'est un concept qui peut nous échapper. Comment Dieu pourrait-il être l'auteur d'un bien par le mal ? Alors Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais dans sa souveraineté absolue, dans sa grâce absolue, même le mal que l'on a, que l'on veut nous faire ou dans les situations difficiles que nous avons, même ce mal peut être utile et est utilisé pour Dieu pour nous faire du bien. Vous avez aussi le même exemple dans le livre d'Esther. Vous savez comment ce livre commence. Vous savez comment il se termine. Il se termine par un moment de joie. Alors on y est en plein là-dedans. Par un moment de joie, par la seule fête. Écoutez bien, c'est la seule fête qui a été proposée par Israël à Dieu. Toutes les autres fêtes, c'est Dieu qui a dit vous vous réjouirez. La fête des semences, la Pentecôte, enfin ce qu'on appelait la Pentecôte, la fête de la Pâque, tout cela c'est descendant, d'accord ? Tout ça c'est descendant. Mais la fête des Pourim, c'est-à-dire se réjouir du mal que l'on nous fait alors qu'il devient du bien, ça c'est une proposition de l'homme. Ça c'est une proposition du peuple. Et cette fête a été approuvée pour nous dire quoi ? Pour nous dire tout simplement que Dieu est dans nos épreuves. Dieu valorise nos épreuves. Dieu est capable de changer le mal en bien. C'est ce que dit Paul. Et c'est une perle, vous savez. C'est un sujet de réjouissance. C'est un sujet de joie. C'est ce que j'aimerais vous dire ce matin de la part de Dieu. Le mal ne fera rien contre vous. Le mal peut être changé en bien et Dieu le fait. Alors, est-ce qu'il y en a un autre ? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de nous réjouir et d'être dans la joie de, il le dira à la fin du chapitre 4, hein, d'être dans la joie, dans le manque et dans l'abondance. Est-ce qu'il n'y a pas lieu, mes frères et sœurs, de se poser la question ? Vous avez tous connu certainement des temps difficiles. Vous les vivez en ce moment, ces temps difficiles, ces temps de difficulté. Vous êtes vraiment, vraiment dans la difficulté. Vous êtes dans cette difficulté-là et on peut être à l'opposé, dans l'abondance. Mais quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, Paul nous dit qu'il est possible de se réjouir à la fois dans le rassasiement que dans l'abondance, comme dans la faim ou dans l'abondance, parce que Paul était connecté, rappelons-nous, Paul était connecté à la source de toutes choses. Il était connecté à Jésus-Christ. Alors, je nous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas lieu aussi de se réjouir d'être tout simplement, comme il le dit au chapitre 4, verset 11, d'être content de ce que Dieu nous donne. Alors ça, je sais que il le dit, je suis content de la situation où je me trouve. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Alors, ça sonne un peu bizarre dans nos oreilles, hein, parce que nous, réellement, ce qu'on veut, c'est ne manquer de rien. C'est ne manquer de rien. Et on pousse nos enfants à se forger une situation, à avoir une situation. Et c'est tout à fait normal. Et alors dit, mais à ce moment-là, c'est contre ce que dit cette parole-là. Cette parole, qu'est-ce qu'elle dit ? Être content de la situation où on se trouve. Mais être content en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire d'études, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas progresser, ça ne veut pas dire qu'on doit rester toujours au même niveau, mais quel que soit le niveau social, le niveau dans lequel on est, peu importe ce niveau-là, l'important, c'est de trouver son contentement dans la source qu'est Jésus-Christ, dans la personne de Jésus-Christ, dans la parole de Jésus-Christ et dans la présence de Jésus-Christ. Alors, Paul, il le dit d'une façon assez vrai, assez réel, il dit « j'ai appris ». Alors, est-ce que tout est automatique ? Est-ce que dans la vie chrétienne, les choses sont automatiques ? Est-ce que je suis toujours dans la joie de manière automatique ? Est-ce que je suis toujours comblé de manière automatique ? Est-ce que je suis une personne qui simplement bénéficie d'une perfusion céleste chaque fois que j'en ai besoin ? Non. C'est pas ce que dit Paul. Et Paul, vous savez, il parle de son expérience. Il dit « j'ai appris le secret du contentement ». Je l'ai appris. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on doit apprendre. C'est pour ça que nous sommes des disciples. C'est pour ça que nous sommes tous inscrits, et je le sais, à l'école de Christ. Nous apprenons quelque chose. Nous apprenons non seulement quelque chose, mais nous apprenons une personne. C'est Jésus-Christ qui nous est enseigné. Et Paul, il le dit de manière très simple, « j'ai appris ». Et c'est un secret aussi que d'être toujours en apprentissage. Si nous pensons que nous avons déjà tout, on peut le penser. Mais on ne sera pas dans cette joie d'apprendre, quelque chose du Christ. Alors, il le dit lui, en ce qui le concerne, apprendre à être content en Dieu, à être content dans le Seigneur, apprendre la joie de la présence du Christ, apprendre à nous approcher de la source qui est Christ, la source de toute vie, de toute joie. On a beaucoup de choses à apprendre. Et ce matin, je voudrais juste vous inviter à, si vous ne l'avez pas fait, à faire cette rencontre décisive avec le Christ. C'est une rencontre qui est fondamentale. Elle a été fondamentale pour Paul, on l'a vu. C'est ce qu'il a, la base même de son être, la source même de son être, c'est cette rencontre, cet éblouissement qu'il a eu. Et si quelqu'un parmi vous ne l'a pas fait, alors je l'invite. Je l'invite à aller vers cette source. Si vous vous êtes déconnecté de la source, alors revenez à la source. Elle est toujours là, cette source. L'Évangile nous invite ce matin à boire de cette eau. À boire de cette eau que le Christ nous promet. Pour que cette eau devienne en nous source de vie, source d'inspiration, source de joie, non seulement pour la vie présente, mais jusque dans la vie éternelle. Alors ce matin, on a fait allusion à l'Ecclésiaste, et je vais m'essayer à conclure à la manière de l'Ecclésiaste, mais certainement avec moins de talent. Profitons de chaque moment de joie que la vie terrestre nous accorde, parce que le Créateur y a caché la saveur discrète de sa présence. Savourons-les comme des étincelles d'éternité dans lesquelles Dieu désire nous y rencontrer. Souvenons-nous que toutes nos sources sont en Dieu, et que seule la joie que le Christ donne est éternelle, et que même si parfois la tristesse envahit nos cœurs, rien ni personne ne pourra nous ravir notre joie. Amen. Est-ce qu'on pourrait juste passer quelques instants pour se reconnecter ? Amen. On va passer aux